présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta présence. Présence me fait du bien. Ton amour, hey. Ta puissance, oh, oh, oh. Ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Hey, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux Dieu, devant ton trône, Seigneur, se trouvent le droit et la justice. Tu es le Shiloh, le possesseur de nos âmes, l'excellent Dieu, le puissant Adonai, celui qui vit éternellement. Je veux t'adorer. Reçois la gloire qui t'est due, car nul n'est fidèle comme toi. Tu es le véritable fidèle. Je veux t'adorer. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur.